Je vais aborder une intersection ne comportant aucun signal relatif au régime de priorité adopté. En l'absence de toute signalisation spécifique, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Ici, je passerai donc après le véhicule gris. Réponse A.